sind die allerbesten Mannschaften. Die Meister, die Besten, die Meier-Seki-Champions, die Meister, die Besten, Le meilleurs équipes champions. Au stade à Londres, avec vous, mon cher Brett, vous suivez ce match Aston Villa Arsenal pour nous et je crois que c'est un match extrêmement important pour ce championnat anglais. Tout à fait, tout à fait. C'est un match passionnant. Donc je suis bien au Villa Park, le stade mythique d'Aston Villa. Pour suivre ce match qui oppose donc Arsenal à Aston Villa, et il est important soit pour Aston Villa bien sûr, pour sa course au maintien ou à une place un petit peu intéressante dans ce championnat, mais surtout pour Arsenal qui quand même joue le maintien de sa première place, ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps à l'équipe d'Arsène Wenger, mais oui c'est un beau match pour le moment. Et voilà, on sent tout l'enjeu de cette partie. Rappelez-nous, mon cher Brett, le classement. Je crois qu'effectivement, si Arsenal gagne ce soir, il repasse devant Manchester City et Chelsea. Tout à fait, tout à fait. Qui sont ce week-end passés en tête. Ah bah les deux ont gagné, donc Arsenal n'a qu'une seule possibilité. Je crois qu'ils ont un point s'ils gagnent de différence avec leurs poursuivants directs. Donc il faut absolument gagner pour garder la tête du championnat anglais. Très bien, bah écoutez, comme vous le savez, nous recevons ce soir nos amis de la revue GPU. Bien sûr, je le sais, je le suis avant de partir en Angleterre. Alors, le temps pour moi quand même de souhaiter un très bon anniversaire, puisqu'on est le 13 janvier ce soir, à mon frère, qui nous écoute certainement, ainsi qu'à la petite Lou qui fête ses 7 ans et qui nous a offert tout à l'heure une belle plâtrée de spaghetti bolognaise, son plat préféré. Oh, bah c'est un bel anniversaire. Oui, tout à fait, c'était très chouette. Votre frère aussi, bien sûr. Mais pour mon frère, c'est peut-être pas le même menu, quoique je sais pas, je lui ai pas demandé. Mais... Il téléphonera tout à l'heure. Voilà. Alors ce soir, le dispositif est un peu léger. Vous avez entendu, chers auditeurs, que Brett était à Londres et moi-même suis à Marseille en studio. Le docteur Dondé, le shérif ainsi que Magic sont absents. Donc on fait avec les moyens du bord. On va essayer de tenir la baraque avec ce cher Brett. Mais ça ne va pas nous empêcher de passer une excellente soirée avec nos amis de la revue GPU. Autour de la table ce soir, Brian Murat. Bonsoir Brian. Bonsoir. Vous êtes le directeur de publication de la revue, donc je commence par vous. C'est... Hiérarchie oblige. Oui et non, Brian Murat, oui, directeur de publication de la revue GPU fondée en 2006. Il n'empêche, une revue ne se fait pas seule, donc je ne manquerai pas au cours de cette émission de présenter les personnes avec qui j'ai travaillé, je travaille, et j'ai fondé cette revue d'art qui propose de la poésie, de la peinture, de la sculpture, de la danse parfois. Et voilà. On y reviendra plus en détail un peu plus tard. Continuons de présenter nos prestigieux invités. Ce soir, nos invités sont féminins aussi, avec Estelle Cherel et Lucille Camus, deux peintres. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Vous avez participé toutes les deux à plusieurs numéros, je crois, de la revue GPU, il me semble. Je ne sais pas combien exactement. Oui. Pour moi, c'est un. Et vous, Estelle ? Moi, j'ai fait la mise en page de plusieurs numéros. Je ne sais plus combien. 4. Oui, Estelle. Nous avons Estelle Cherel, peintre, avec laquelle j'ai collaboré notamment sur la mise en page, sur les premiers formats de la revue. Voilà, Estelle, effectivement, est une artiste engagée dans le livre. C'est ça qui me semble important. Je pense qu'on pourra en parler. Lorsqu'on est revuiste, comme on le dit trop souvent. La différence, en fait, de faire un magazine et une revue, c'est que les gens s'engagent à travers à la fois le format, le contenu et la diffusion. Voilà, ce sont des étapes très importantes lorsqu'on pense faire une revue. Et Estelle en fait partie, comme beaucoup d'artistes, notamment plus d'une centaine aujourd'hui, ont travaillé à la conception de cette revue. Alors, oui. On ne les citera pas tous, mais ce soir, nous avons également autour de cette table Stéphane Novak. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Stéphane, vous êtes poète, on peut dire ça. Auteur. Poète, auteur. Performeur. Performeur, chercheur, animateur, lecteur. Etc. Et ce soir, vous êtes avec nous, oui. À des bâtons en guirou. Oui. Eh bien, bienvenue à tous, déjà. Merci. Et puis, Merci. Quand Merci, on a préparé cette émission, on nous a demandé, et nous, ça nous paraissait évident, pourquoi la revue GPU dans des bâtons en guirou, mon cher Brett. On a reçu beaucoup de courriers pour nous interroger sur cette question, et en fait il s'avère que d'abord nous on a fait quelques recherches historiques grâce au docteur notamment, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous ont permis de savoir que GPU, c'est pas très éloigné, et que la GPU, là, cette police de l'ex-Union soviétique, je crois, est du moins pas à l'origine, mais a fortement développé tous les clubs nommés Dynamo dans cette ex-Union soviétique, dont il reste encore quelques glorieux représentants, comme le Dynamo Kiev, mon cher Brett. Je ne peux être que d'accord avec vous, cher Manuel. Mais en effet, mes recherches se sont arrêtées là. Mais en effet, la GPU a donc été la repreneuse, le terme exact, je ne sais pas, mais de ces clubs. Très rapidement, ils ont pris le relais de la compagnie d'électricité, je crois. Qui s'appelait Locomotive, c'est ça, ouais. Ou la Locomotive ou... Alors la Locomotive, c'était plutôt les chemins de fer, il me semble. D'accord. Mais à Dynamo. Voilà. C'était ça, exactement. Comme cette bonne vieille Dynamo sur nos bicyclettes. Exactement. Super. Et on avait peut-être une autre anecdote marrante aussi en ce qui concerne GPU. Oui, il s'agissait d'un festival. Un festival qui a lieu à Londres tous les ans, qui s'appelle le Global Peace and Unity, qui est un festival aux vocations et aux, on va dire, motivations variées et discutables, mais qui en tout cas organise trois tournois de foot, je crois, à chaque fois, par catégorie. Et c'est un mouvement donc, qui, comme son nom l'indique, fait la promotion de la paix et de l'unité dans le monde. Voilà. Alors je ne sais pas si la revue GPU s'inscrit dans ce cadre-là, en tout cas, c'est une belle introduction. Et... ça nous paraissait tout naturel d'inviter la revue GPU à des bâtons dans Guirou. Brett, puisque vous êtes avec nous, qu'est-ce qui se passe-t-il à Villa-Park ? Eh bien, de très belles choses en ce qui concerne Arsenal, puisque pendant que vous discutiez et que vous présentiez bellement cette émission, Arsenal a marqué deux buts consécutifs, à la 34e et à la 35e minute. Donc un but de Wilshere et de Giroud, notre Français... exilé à Arsenal, et par le passé il y a eu beaucoup de Français à Arsenal, il y en a un petit peu moins maintenant, mais ils sont toujours efficaces, et voilà Giroud qui fait le break, comme on dit, pour Arsenal avant la mi-temps, donc c'est quand même plutôt bien engagé pour les joueurs d'Arsenal, mais voilà, Aston Villa ne dit pas son dernier mot, bien sûr, les Anglais ne disent jamais leur dernier mot, ça joue, c'est un beau match, mais voilà, avantage pour donc Arsenal 2-0 à la mi-temps, quasiment. Très bien, bah écoutez, avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, je vous propose de peut-être passer un petit morceau de musique. Je ne sais pas si en technique on est complètement prêt. À la suite de quoi nous présenterons en détail nos invités, cette revue GPU. Alors on dit GPU, GPU, GP... GPU. Oui, effectivement, GPU. Qu'est-ce que ça veut dire GPU, Brian ? Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir trois lettres pour nommer une revue. Oui, il y a forcément un désir d'être dans l'air du temps. J'aimais beaucoup, en fait, de jamais comprendre les termes comme CGT ou EDF. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'est de ne pas pouvoir signifier quelque chose de matériel. Et pourtant, c'est venu lors d'une rencontre avec un pilote d'avion C'est un appareil c'est un appareil d'aéronautique, le GPU. Ce que j'aime particulièrement, ces trois lettres, ce minimal, cette économie de moyens pour pouvoir nommer un livre, nommer une revue, notamment, et de ne pas être dans le littéral. Très bien. Eh bien, avant de détailler tout ça, Brett, un petit morceau dont vous avez le secret, qui nous a été, je crois, conseillé par nos invités. Tout à fait. C'était la consigne de ce soir. Donc les invités sont venus avec chacun un morceau, je pense, globalement. Peut-être une absence, mais on en parlera plus tard. Et je propose qu'on commence parce qu'en fait, il fallait bien être un petit peu dictateur sur le coup. Je vais lancer le premier morceau et donc qui a été choisi par Estelle Chérel, qui est le groupe Frustration. Frustration peut-être, puisque je suis en Angleterre, et le titre de la chanson est Too Many Questions. Et on reviendra peut-être demander à Estelle Chérel pourquoi ce morceau, et on y va. Frustration, donc, pour démarrer cette émission. Estelle, deux mots sur ce morceau que vous avez choisi pour cette émission. Rien de spécial à dire, sauf qu'ils passent au Molotov le 7 février prochain. C'est un groupe que vous connaissez ? Je ne les ai pas vus encore, ils sont passés à la machine à coudre cette année. D'accord. Mais je pense que ça peut être une bonne soirée. Vendredi prochain donc ? Le 7 février. Le 7 février, non, c'est le mois prochain. Très bien, alors la parole tout de suite à Brian Murat, donc on l'a dit. Brian, vous êtes artiste vous-même, vous êtes commissaire d'expo aussi. Ça vous est arrivé, en tout cas. Oui. Allez, oui, on dit oui. Allez, oui et non, car j'ai... Oui. Oui, mais si, vous l'êtes. Oui. Et c'est ce que j'ai sur ma fiche, donc forcément... On est toute une équipe de documentalistes qui travaille pour nous, quand même. La vérité dans ce cas. Et vous êtes le directeur de publication donc, de la revue GPU. Oui. Brett dira comment il décrit cette revue également. Moi, je la vois un peu comme une forme de commissariat, finalement, justement, que vous faites par le biais de cette revue papier, un format, qui est une contrainte donnée à des artistes, à des poètes, contrainte qu'il aurait donnée donc, de remplir cette page, ou plusieurs pages. Et à la fin, ça forme, selon moi, comme une exposition, comme une exposition à la fois orale, littéraire, visuelle, etc. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Comment vous décririez-vous Parce votre... que, cher Emmanuel, vous m'entendez ou... On vous entend très bien, je crois. Vous n'avez acheté qu'un numéro. Non, j'ai acheté 5 numéros, mon cher Brian. Je peux tous vous les montrer la prochaine fois que vous viendrez chez moi. Donc Bien, bien. Pourquoi ? Parce qu'il me semble d'important, dans la distinction d'une revue comme GPU à côté ou proche d'autres revues publiées sur le sol que je connais le mieux, mais en tout cas que j'aime et que je fréquente, le sol européen. Je découvre évidemment des revues anglaises ou américaines, sud-américaines. En France, nous avons la chance d'avoir ce terme revue. Une revue a les moyens de se distinguer dans ses sujets, ses approches, ses courants littéraires, artistiques, de mode. Bon. Eh bien, GPU se distingue en n'ayant pas de sujet précis, notamment. GPU, je la pense, comme une revue de poésie, pour généraliser, ou ce qui me plaît d'autant plus, comme un travelling cinématographique, comme une ligne, véritablement comme de la musique, une composition musicale sur le thème du travelling cinématographique. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de dossier et je crée, notamment avec Jean-Luc Poivret et avec tous les artistes, une pensée qui ne choisit pas le luxe, mais plutôt le raffinement. Voyez-vous, tout à l'heure, Emmanuel, j'ai rencontré un cuisinier qui m'a appris les trois temps de son métier. L'assiette, la forme. Donc, je fais un format entre 15 et 16 cm. La couleur, l'odeur, la couverture pour un éditeur de revue, le goût pour un cuisinier et le fond pour un éditeur de revue comme moi. Voilà. Alors moi, la question que je voulais vous poser, c'est que certains artistes reviennent, certains artistes et poètes reviennent sur plusieurs numéros, mais globalement, comment vous les choisissez ? C'est des propositions qu'on vous fait, c'est vous qui allez les chercher. Par exemple, les trois qui sont là ce soir autour de la table, comment ça s'est passé ? Oui, chez chacune, en tout cas, entre Lucille et Estelle, il est vrai, et et je l'ai senti, je le vis avec, avec les auteurs qui sont amenés à être publiés dans, dans GPU. Il y a un désir, il y a une étude du, comme je vous l'ai dit, de l'assiette, du format. Il y a une attention particulière au contenu. Il y a le fil qui est senti, puisque une revue n'est pas déterminée sur un fil éditorial aussi, aussi précis qu'une maison qu'elle peut l'être. La revue, c'est quand même beaucoup de liberté. C'est beaucoup de liberté, c'est une plage sensible qui n'est pas, qui est sérieuse, mais qui n'est pas aussi, atteinte par les devoirs de la marchandise. La revue, ça reste un champ pour celui qui la crée, et j'espère pour ceux qui y participent, un champ de joie, bien sûr, d'envie, de désir, d'émancipation. Donc Estelle et Lucille, je l'espère en tout cas, l'entendre. Et j'y crois bien sûr, puisque nous organisons une exposition et nous avons préparé déjà des événements courants. Nous en reparlerons, je l'espère, Manu. Alors, moi j'ai une dernière question, c'est que pour avoir parcouru les nombreux numéros de la revue que j'ai acheté de mes propres deniers et que j'ai dans ma bibliothèque personnelle. Je ne sais pas, vous avez dit il y a combien d'artistes en, à peu près en tout qui ont participé aux 7 premiers numéros de la revue ? Eh bien, la revue a dû publier entre 95 et 98 artistes. Oui. Alors, dans ce que j'ai recensé, il n'y en a à peu près aucun qui parle de football. Et sauf vous. Et alors, quand et pourquoi ? Eh bien, on est dans l'intimité ce soir. Oui, bien sûr. Bon, eh ben, on en parlera avec la chanson que j'ai choisie. Très bien. Brett, est-ce que vous souhaitez dire un mot, vous, sur cette revue GPU que vous connaissez très bien et, également ? Bien sûr, mais j'aurais d'abord une première question. Je profite de la mi-temps où on se pèle les miches à Aston Villa pour... Pour poser quelques questions, une question purement pragmatique à Brian, c'est pas, par exemple, je sais que c'est un choix qui a de l'importance pour lui. Par exemple, si nos auditeurs veulent, ou nos auditrices, bien sûr, veulent trouver la revue GPU à Marseille, par exemple. Une question très, très pratique, mais je sais que vous faites très attention à la diffusion de votre revue. Très bonne idée, depuis les ondes, très très bonne idée. La revue, je choisis à Marseille de la diffuser près de chez vous, à l'odeur du temps, à la librairie Le Lièvre de Mars, à l'Histoire de l'œil, à la galerie Porte-Avions, et au 7-9 rue Tubano. Vous m'envoyez un courrier et je vous répondrai, bien sûr. Sinon, vous pouvez encore la trouver à Paris et sur le blog de la revue. En fait, depuis 6 ans que la revue existe, il a été développé un réseau de 20 librairies. Vous les trouverez tous sur Internet, car elles ont été choisies toujours par goût de la diffusion de livres tels que la revue GPU. Donc vous entrerez peut-être... pour venir acheter la revue GPU, mais vous achèterez sans doute d'autres livres. Je vous conseille de vous rendre sur le blog de la revue, vous avez toutes les 20 adresses sur toute la France. Merci Brian. Non, j'aurais bien posé une question aussi à nos invités, justement sur le principe de revue, pour les faire parler un petit peu, pour ceux qui ne sont pas encore vraiment rentrés, enfin, leur participation bien sûr à GPU, mais aussi peut-être sur la question des revues en général. Enfin... Bah, tout à fait, on peut demander autour de cette table aux filles et Estelle, Lucille et à Stéphane. Qu'est-ce qui vous travaille, vous, dans cette idée de publier dans une revue en règle générale et dans cette revue GPU en particulier ? Stéphane, si vous voulez commencer. Bah, quand j'ai rencontré Brian, puisque le texte dont il est question dans la revue GPI numéro 7 s'appelle Le Trognon. C'est un texte qui avait déjà une certaine histoire, un texte qui est né à partir d'un événement qui a eu lieu en 1998, lorsque deux Guinéens ont été retrouvés morts dans l'aéroport de Bruxelles parce qu'ils s'étaient enfermés dans le train d'atterrissage. Et lorsqu'on décolle, il fait très très froid, il fait plus de moins de 50 degrés. C'était le début d'une longue série. Et il se trouve que je revenais moi-même de Conakry vers Bruxelles et que j'avais pris l'avion juste avant. Et quand j'ai rencontré Brian, j'avais commencé à construire ce texte qui s'appelle Le Trognon, qui était dans une série qui s'appelait L'argent n'existe pas, le genre n'existe pas, mais le trognon existe. Et lorsqu'on a discuté de la revue, je trouvais que c'était une bonne idée que ça arrive là. Ça s'est fait humainement et de manière pertinente. Et vous, Estelle, vous avez publié plusieurs de vos œuvres dans cette revue. Et en quoi c'est différent, important d'être dans une revue plutôt que d'être dans une exposition? Ou est-ce que c'est complémentaire? Comment vous voyez les choses? Effectivement, c'est complémentaire parce que c'est quelque chose qui reste. Et comme dit Brian, c'est une forme de passeport. Après, moi, c'est une histoire humaine aussi, parce que Brian, je le connais depuis très longtemps. Dis pas trop ça, parce que ça me fait vieillir, Estelle. Je l'ai connu au numéro 0, et j'ai commencé à collaborer avec lui avec le numéro 1. On a beaucoup travaillé, de nuit comme de jour. Et puis, c'est l'excitation aussi de fournir un bel objet. Bien. De faire coïncider, enfin de faire fonctionner différents artistes ensemble dans un petit format, que travailler la typographie, enfin c'est travail d'édition quoi, c'est assez magique, surtout quand on la reçoit au dernier moment. Je trouve ça très professionnel en fait. Pourquoi? Parce que c'est vrai que de faire une revue, quand on commence un travail d'édition, c'est comme les deux auteurs, c'est un engagement à la fois typographique, de format, de diffusion, de pensée, de ligne éditoriale. On a beaucoup de marge de manœuvre en faisant une revue, en fait. C'est un outil très agréable et qui permet des ambitions, des visions de livres, de monographies, de différents. C'est expérimental sans être quelque chose d'inabouti et d'incompréhensible. Et vous, Lucille, c'est la première fois que vous publiez dans ce numéro 7 dans la revue ou... Non, moi j'étais publiée dans le numéro 4. Ouais. Et moi, j'étais plus attirée par l'image au départ. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça m'a donné envie de regarder les textes et de m'y mettre un peu aussi. Donc c'est des rencontres, des collaborations, des nouvelles expériences. Comment collaborer pour un travail, comment ne pas écraser l'autre aussi dans la revue, comment collaborer en fait tout simplement. Et ouais, créer de nouvelles envies et de nouvelles expériences et des choses qui aboutissent finalement grâce à ça. Quelque chose de nourrissant et en même temps, c'est pas figé. Oui, c'est ce que j'allais dire pour rajouter une banalité. Une banalité à moi, c'est que ça vous... Nourrit-vous en tant qu'auteur et artiste de aussi côtoyer à l'intérieur de cet objet d'autres auteurs et artistes? C'est un peu une rencontre, ouais. Oui, c'est des affaires de rencontres qui se font avec le sommaire de la revue et les événements prévus lors de lecture qu'il y a eu à Manifestaine et qu'il y aura à la librairie Libère prochainement. Alors ça, on en parlera encore mieux à la fin de cette émission. C'est vrai qu'une chemise, enfin, c'est pas cul et chemise non plus. Hein. Effectivement, mais c'est. C'est pas cul et chemise. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est pas. Alors. En plus, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est. Il faut 6 mois pour créer un numéro. Il faut 6 mois pour créer un numéro, voire 7, 8 mois. Ça m'est pas. C'est pas choisi. Comment dire. C'est pas du bénévolat, c'est pas uniquement de l'amitié. Oui, je suis ami avec, je l'espère en tout cas aussi, les auteurs présents, mais bon. Une revue, c'est pas uniquement de l'amitié. Voilà, ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 3 ou voire 4 mois, 6 mois et 7 mois pour forger un ouvrage tel que le numéro 7 de la revue GPU. Voilà, c'est ça aussi pour ma part, ma façon d'anticiper la création d'une revue. J'en profite, Emmanuel, excusez-moi. Mais bien sûr, vous faites bien. Quand même une ligne éditoriale, sinon qu'est-ce que je ferais à la radio ? Qu'est-ce qu'on ferait ici ? Je ne vous le fais pas dire. Alors, donc, qui gagne pour expliquer à nos. Allez, pour, alors, passons aux choses sérieuses. Bah, si vous voulez, s'il vous plaît. Si vous voulez, après, on fait un petit tour au stade avec l'ami Brett, et après on va passer aux choses sérieuses. Merci. Brett, un petit mot sur la reprise. Je crois que c'est le début de la seconde mi-temps. Dites-nous ce qui se passe. Champagne. Exactement, mon cher Emmanuel. Ça vient de reprendre. Enfin, il y a 5 minutes maintenant, et le score n'a pas bougé. Toujours 2-0 pour Arsenal. Une légère domination en ce début de deuxième mi-temps, mais tout ce qu'il y a de plus logique de Aston Villa qui cherche forcément à revenir au score, mais jusqu'à présent rien de passionnant. Donc là on a un bon coup franc très très bien placé qui va certainement être frappé par le joueur dénommé Bakuna. Voilà, si vous avez 2 secondes, on va attendre le résultat de ce coup franc fort, fort passionnant bien sûr. Et mais sinon voilà, non, c'est un match plaisant, je suis pas mécontent, je profite du désistement bien sûr de nos commentateurs attitrés qu'on salue, Magic, Sheriff, El Magnifico, Redouane, Dondé qui n'est pas commentateur mais qui avait beaucoup de choses à faire ce soir. Il avait une soirée pastis, je crois, c'est ça qu'on nous a mentionné. Ça ne se rate pas ici à Marseille bien sûr. Non. Donc voilà, le coup franc n'a absolument rien donné mais les joueurs d'Aston Villa repartent à l'attaque. Et vont, je pense, continuer en ces minutes de repartir à l'attaque inlassablement, tel Sisyphe. C'est l'occasion de parler de Camus aussi, bien sûr. Ah, bah oui. Pour d'autres raisons. Ouais. En fin d'émission, on fera un petit peu l'annonce de tous les événements à venir pour. Bien sûr, je profitais de cette phrase qui m'arrivait comme ça par hasard. Et voilà, non, mais j'étais très intéressé. J'avais un œil sur le match et bien sûr une oreille sur l'émission et pour ces questions de revue. Voilà, tout ça était très bien. Qu'est-ce que. Je vous propose, si vous le voulez bien, Brett, maintenant qu'on a un petit peu expliqué à nos auditeurs de Radio Galère ce qu'était cette revue GPU, de rentrer un peu dans le vif du sujet et de parler un peu du contenu. On a la chance d'avoir des auteurs et artistes ici présents. Et je crois que, Brian, vous vouliez commencer les hostilités en nous lisant un des textes publiés dans le numéro 5 de la revue, je crois. Ce texte, quel est-il ? Manuel ? Oui, Brian. Vous m'entendez ? Bien, merci. Parlez bien dans le micro, Brian, pour que tous nos nombreux auditeurs vous comprennent bien. Bien. Un texte, du numéro 5 de la revue, de Laurent Leforban. Une pleine page, un texte à bâton. En typographie à bâton. La caresse, je ne sais pas ce qu'elle cherche. Elle est comme un jeu avec quelque chose qui se dérobe. Et un jeu absolument sans projet ni plan, non pas avec ce qui peut devenir nôtre et nous, mais avec quelque chose d'autre, toujours autre chose, toujours inaccessible, toujours à venir. La caresse est l'attente de cet avenir pur et sans contenu. Merci Brian. La Caresse, donc Stéphane Laurent Leforban. C'est un lapsus puisque j'allais passer la parole maintenant à Stéphane Novak, qui lui-même va nous proposer le texte publié dans la revue numéro 7, je crois, le dernier numéro, donc qui vient de sortir en cette fin d'année 2013. Oui. Alors ce texte, tout à l'heure, vous l'avez un peu introduit. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous le lisez tout de suite ? Vous nous en dites deux mots avant de démarrer ? Oui, enfin, j'ai dit les circonstances de départ à partir de sa construction, de cet événement et de sa série. Le mieux, c'est que je le lise d'abord. Ah ben, on vous écoute. À vous la parole. Ce qui advient. Après l'étouffement fou, le grattage de la gorge, dénommé détresse ventilatoire par la police des frontières, pas un programme décidé en lieu officiel, dédié aux mises en œuvre professionnelles et financières, non. Pas une destinée écrite par des astres arquant leur croissant. Pourquoi pas un mektoub sur la gueule pour former des futurs. Non, pas un thème astro lu sur un comptoir strident, promettant une décisive rencontre et des responsabilités professionnelles. Pas un plan quinquennal voté aux 3/5 moins une hasardeuse abstention. Non, pas un putain de bilan de compétences favorable à une acceptation de l'avenir frileux. Pas une conjoncture économique capricieuse qui ne cessera de perturber les tentatives de coordination des conjonctions. Encore moins une sortie de crise critiquée par des experts saluant leurs pères et critiquant leurs enfants. Mais plus souterraine, plus large, l'encerclant à droite, à gauche, précise, décidée, opiniâtre, derrière les nuages bas, la puissante et globale poussée de rage. L'imperceptible et lent déploiement au plein jour des pustules, des rancœurs, des chuintements, des boursouflures sortant, s'ouvrant, se déployant, pulsant, hésitant, invincible et délicat. Pas une trompe, non. Ça sonne guimbarde. Grésille sous gencive, ça se trompe de son, se déplace, se trompe de ton. Un goût d'orge dans la gorge. Ça strie les oreilles. Une trouée de sacs d'avoine sur le sol, perdue dans la bouche. La bouchée des goûts. Irracontable, comme un sommeil sur le parvis. Dégoûtant, sa trompe énorme. Botte de foin ou sac de blé, momentanément une tromperie. Oui, mais de qui, de quoi ? Derrière le cortex, plat écran en place, vers la gorge du goût, du blé ses graines, sa granule sous la langue. Comment raconter tout ça, momentanément et minusculement, s'agit, s'avite, s'avit, s'agite, une embardée de cris. Un mot s'abat, un mot se bat, des céréales, des valses sous la langue effervescente. Demain, ça poussera ou pas. C'est pas comme une boule sonore dans la gorge, pourtant ça grossit. Ça glorifie le silence d'une bille gagnée. Un caillou pour la gloire. Langue plate, râpeuse, rapetissée, aplanie. Un gros nid d'orvet silencieux qui se déploie à l'assaut du désastre silencieux, se consumant, se ballonnant, s'accentuant. Ce sont des accents sans voyelles, des accords sans voix. Tu as bougé en l'enjambant, arquant les rangs vers un saut précaire, une boutade graveleuse avant la chute, la pluie, le prisme vengeur et l'avenir sur le billot. L'encéphale endommagé, a foncé, bille en tête, vers un salto sans salut à destination inconnue. Parce que t'avais tort, parce que t'aurais pas dû le tordre comme un verre, parce qu'il y avait marqué fragile, parce que t'as pas vérifié le film protecteur, parce que t'as pas tordu les convictions spécieuses en évitant les nions, parce que t'as pas toléré le filament du cordon sanitaire, parce que t'as pas visé juste le caractère spécifique de l'armée, parce que t'as pas parlé avant de proférer de la haine, parce que t'as pas trié parmi les médicaments entre les vrais des fallacieux, parce que t'étais tordu dès le départ, sans t'en tenir à l'ataraxie, parce que t'as pas vu le verre dans le mot, que t'as rogné. Parce que schlac, voilà la police qui va s'obnubiler pour du passager, avec des sangles, pour un clan d'eau, chez Air France, dans la salle de bain, ou le montre-bracelet, pour le régime, contre-idéal, après la dose, à partir de poison, à incrémenter, à l'intérieur, du pare-feu, à destination du nuage, pour la palme, sous un plan, derrière la vitre, afin de la déterrer, puisque si abstraite, au pied de l'avion. Parce que voici qui, pour Duchet, dans la houe, pour le contre-après, à partir d'à l'intérieur, à destination du pare-sous, derrière afin de déterrer, puisqu'au pied. Parce que t'as pas vu le verre dans le mot dans le verre, parce que t'as rogné, parce que t'as laissé que le trognon. Merci Stéphane. Ben merci beaucoup, cher Stéphane Novak. On peut applaudir, on applaudit, allez, on applaudit en studio. Merci Stéphane. C'est une performance extraordinaire. Alors ce texte, vous l'aviez lu également à Manifesten lors de la présentation. Non, c'était pas ce texte-là. Non, c'était un autre texte. Là, je l'ai déjà. Je confonds. Ouais, j'ai déjà lu une fois La Ciotat dans cette série avec L'argent n'existe pas, le genre n'existe pas, ce qui nous reste, c'est le trognon. Et j'avais lu une autre fois dans une autre construction avec. Donc, ça, c'était au Grand Terrain à Marseille, qui s'appelait Le trognon, le pilon, le moignon. Mais en tout cas, bravo. Belle performance, puisque de cette pomme, il ne reste pas grand-chose. Un trognon, voilà. N'hésitez pas à faire passer la facture, on vous remboursera. Bien sûr. Radio Galère, bien sûr. Brett, puisque vous avez la parole, on va vous la laisser pour savoir un petit peu ce qui se passe à Villa Park, à Londres. Hein. La vie londonienne vous plaît, nous le savons. Bien sûr, je me régale. J'ai peur qu'il ne reste d'Aston Villa qu'un trognon à la fin de ce match, parce que là, pour le moment, ça n'est vraiment pas grand-chose. Arsenal a marqué un très, très beau but, mais avec cette règle intrinsèque au football qui est leur jeu, ce but a été refusé, mais c'est dommage parce qu'il était vraiment fameux. Une belle frappe, tiens, à l'instant de Aston Villa, mais qui n'inquiète pas le gardien polonais d'Arsenal au nom imprononçable. Si vous le savez, je vous le laisse, mais je ne sais pas. Bah non, je le connais pas. Ouais, je le vois écrit, mais impossible de le prononcer. Non, ben voilà, le match suit son cours. Arsenal gère, joue plutôt bien. C'est plutôt un match plaisant. Ils sont en jaune. Ils sont en jaune, bah oui, ils sont à l'extérieur. Ce qui est pratique pour les reconnaître quand même. Un maillot jaune poussin, là, qui est... Bah, vu que Radio Galère nous permet plein de trucs, mais pas non plus d'être totalement au bord du stade, donc je suis ouais. quand même assez loin. Ouais. Et bah, je les reconnais très très bien. Bah oui. Ça me rappelle un autre très très grand club, ce jaune. Oui, un club français, Marseille, certainement, du Nord. Oui, le club de Nantes, bien sûr. Mais évidemment. Ouais. La Poste. Le club de la Poste, bien sûr. Le club de la Poste. Vous avez joué d'ailleurs. Le jaune, c'est toujours marseillais. Alors Stéphane aussi, je voulais vous demander, puisque vous savez, Des Bâtons dans le Guirou est une émission de football également, ce qui vous a un petit peu retenu votre esprit dans l'actualité footballistique. Alors, mon activité footballistique est assez limitée ces derniers temps. J'étais numéro 7 il y a près de 30 ans. Ah oui, quand même, dans un club de la région. Un club qui joue en jaune d'ailleurs, avec maillot jaune, short noir, chaussettes jaunes. Et un caddie. Trois bandes noires sur les chaussettes, trois bandes jaunes. Les guêpes, on vous surnommait les guêpes, non? Voilà, les guêpes, ouais. Les abeilles, ça dépendait des supporters. C'est la gay pride, ouais. Oui. Toujours des conflits entre les tribunes nord et les tribunes sud. Et moi, Stéphane, tu ne la fais pas. Hein. Mais c'est le club de... Nommez-le, ce club. Les Gay Pride. Voilà, le club de Mitry-Mouret. Alors, ça se situe où, ça? Ça se situe au bord de la Seine-et-Marne, dans le début de champ de la Beauce. Et sinon, ma dernière expérience footballistique, ce sont les 50 ans de Jean-Pierre Papin. Ah, quand même, vous avez été invité. Voilà, la revue GPU était représentée aux 50 ans de Jean-Pierre Papin par votre personne, Stéphane Novak. Oui, c'était dans un stade. Hein. Oui, quand même, bien sûr. Bah, pour les 50 ans quand même de JPP, il faut bien un stade. Ouais, s'il avait fini en une salle des fêtes dégueulasse, ça serait triste. Quoi. On n'a pas été invité. Non. Il y avait qu'un seul ticket pour la revue, je crois. Oui. Et c'était pour vous, Stéphane. Oui, c'était avec Jérôme Bertin. Oui. Qui était un de nos derniers invités à l'émission, d'ailleurs. Et qui se connaît très bien en football. Tout à fait. Et par ailleurs, un très bon écrivain. Ça, c'est vrai. Il nous l'avait une fois de plus prouvé dans ce studio. Il n'était pas à votre place, mais à la place de Lucille. D'ailleurs, Lucille. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité footballistique récente ou moins récente? Ça date d'hier soir, moi c'est les maillots roses de Evian. Voilà. Vous avez qualifié de très chic, je crois. Très chic, belle chorégraphie. Ouais. Ouais. Et les costumiers étaient bons, du coup, pour Evian. Ils se baladaient bien sur la pelouse. Bon. Rose-vert, c'était belle chorégraphie, je reviendrai. Estelle, un mot sur le... Moi, j'ai appris ce soir que c'était Ronaldo qui avait eu le ballon d'or. Ça vous fait un petit truc, quand même. Elle va pleurer. Ouais. Non. Je sais pas quoi il ressemble. J'ai déjà oublié. Cristiano Ronaldo, le ballon d'or. Bah, du coup, Franck Ribéry n'a pas le ballon d'or. C'est ça aussi. Pour nous, Français... Les médias français vont être très peinés parce que... On va avoir une semaine difficile, je pense. La presse footballistique, ouais. Francky, bon. Alors les filles, puisque vous avez la parole à vous maintenant de nous montrer ce que vous avez produit pour la revue GPU. Alors, je crois que vous avez toutes les deux exposé récemment dans une galerie dont on ne fera pas la promotion ce soir. Non. Ceci dit, c'était une très très belle exposition. Votre collaboration fonctionne bien, à notre sens, à nous, à la rédaction des Bâtons dans le Guirou. On est d'accord. N'est-ce pas, mon cher Brett ? Tout à fait. Et pour cette exposition, vous aviez proposé une bande sonore qui a été reprise pour la présentation du numéro 7 de GPU à Manifesten au début du mois de décembre. Vous nous en dites deux mots de cette bande sonore ? C'est un peu une nouvelle expérience pour nous deux. Oui. Pas trop quoi en dire, ça nous donne des envies d'écrire. Après, elle fonctionne à partir donc, de phrases qui ont été glanées pendant 2-3 mois. Une discussion absurde. Voilà. On discute. Et il y a eu un trait, donc un on s'est enregistré, et puis après on a fait un travail sonore dessus. Voilà. Le mieux, c'est peut-être de l'écouter, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on serait très heureux. Parce qu'on l'adore. Alors, on va écouter, c'est pas un extrait, c'est la bande sonore en entier. Il y a trois parties. Oui, dites-nous. Les titres. Donc, il y a elle. Ouais, mais ça commence par Gomer. Non, il paraît. Ça commence par la première partie ou... C'est dans l'ordre. Ouais. Il va falloir se mettre d'accord un petit peu. Ouais. Ça commence par quoi ? Vous faites pas peur. Hein. Par quelle partie vous commencez ? Il paraît, dialogue, et puis après c'est elle, en dernier. Très bien. Alors, nous faisons signe en technique. On écoute. 16 mises enregistrées. Si j'ai pas de chat, c'est pas pour entendre parler de celui des autres. J'ai pas attendu 2013 pour travailler bien. Le flamant rose, c'est comme un arc-en-ciel. Le téléphone l'étonne toujours. Il a raison. La psychorigidité a du bon. Je préfère me faire écraser plutôt que les autres. Mes lunettes rendent les bougainvilliers encore plus beaux. J'emmerde les... Il paraît. La solution, c'est la rencontre du troisième type. C'est pas obligé de tomber amoureux de gens super. Ah, si c'est offert par la maison, alors on prend les meubles. Je préfère me faire brasser que brasser l'univers. Il porte le sac des filles et il aime ça. Ça, c'est du texto d'apéro. C'est les paquets qui me font rire. On a dû manquer de légèreté à un moment donné. Je médite pas, je maudis. C'est moi la boîte à bonheur. J'ai un casier dans la Méditerranée. Vaut mieux partir à point qu'arriver saignant. Saturé, je suis sous mes cheveux. J'ai une ambition de limace écrasée. J'ai appuyé sur partout. Foi de morue. Prends soin de toi. Quand je mets mes lunettes, j'entends plus. Comment tu les aimes, tes minutes? Un flamant rose, c'est un signe. T'as eu une grosse semaine aujourd'hui. J'arrête pas de vibrer tout le temps. Je me suis fait tatouer des bisounours dans le cul. On a pensé handicapé en même temps. J'ai rêvé que je refusais une deuxième coupe de champagne. Non, mais je rêve. J'ai des visions, mais pas de télé. Visions. Elles ont un classeur d'organisation de vacances. Il faut s'entourer de jambon. Bichette, elle s'ennuie chez les riches. Ça commence toujours par une banane. Il faut planter avant de se faire planter. Dans le cœur des gens. J'aime bien être number one dans le cœur des gens. Je suis l'entrée, le plat et le dessert. Je suis à la hauteur de frustration. Je fais que des phrases phares. J'ai deux auréoles, une sous chaque bras. T'es pas drôle. T'es pas beau. Et en plus, t'es con. Mais moi, j'ai de l'humour. Je sais pas si je barre faim, mais j'ai faim de barre. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi à l'aise avec un moignon. Laisse mourir ton idée. J'ai un bout de morceau. Même le chien, c'est une chienne. Il m'a secoué la maison. Vous avez pas vu ma libido? Vos désirs sont désordre. J'ai trouvé le goulag. La sirène cherche sa queue. Faut que tu changes ton couple. Il a l'intellect comme son pantalon. Un peu court. En ce moment, j'ai que moi. La sieste, c'est suffisamment près. Suffisamment loin. En ce moment, je parle pour ne rien dire. Ça veut tout dire. Arrête d'employer des termes qui te dépassent. On a tellement bu et mangé qu'il fallait les sous-titres. C'est ce stylo qui me fait faire ça. Tu crois qu'on n'écoute que du caviar? S'ils sont gourmands, c'est bon signe. C'est un signe. Mon indépendance me va à ravir. C'est agaçant, un couteau qui coupe pas. Surtout quand il a une tête de couteau qui coupe. Il faut que j'améliore mon listing. Je suis au bord du rouleau. Rouleau. Elle se balade de port en port. Elle s'auto-exploite. Elle autorise qu'on se foute allègrement de sa gueule. Elle va se faire mal. Elle raterait un pique-nique pour rien au monde. Elle bouffe les moules dans l'assiette des gens. Elle dérape. Elle dérape, elle s'étale partout. Elle aime bien les poils, mais chez les autres. Elle fait semblant d'appeler parfois. Elle dérape. Elle a pas mal de conneries à dire. Ouais, elle est très très chèvre. Elle parle hyper. C'est elle ce soir. Elle boit n'importe quoi. Faut qu'elle trouve son orbite. Elle nous parle tout le temps de son chat. Elle ferait mieux de nous parler de sa chatte. Tant pis. Un cul, c'est fait pour s'en servir. Ben moi, je m'assois dessus. Je vais me jeter dans la mer. Je vais me faire prendre par la Méditerranée. Je suis hippie, mais je me drogue pas. Ben qu'est-ce que tu fais? Je me tape mon estime. Toi, t'es en travaux. Moi, je fais toujours un peu l'amour. Moi, j'encule tout le monde. Je préfère ne pas écouter de musique que de la musique de portable. C'est du son défoncé. Ça fait 5 jours que je suis la norme de tout le monde. T'as toujours été comme ça depuis tout à l'heure. T'es qu'un verre vide. T'as du mal à te taire. Alors bravo les filles, merci pour cet extrait que vous nous avez donné. Mais avant de vous laisser la parole de nouveau, je crois qu'il y a une activité à Villa Park énorme. Il y a eu un but. Un but splendide d'Aston Villa. Alors, bien sûr, j'écoutais d'une oreille, donc je l'ai pris tardivement, mais un très très beau centre au second poteau pour l'attaquant d'Aston Villa, dont j'ai pas pu voir le nom floqué sur le maillot derrière, bien sûr, mais une très très belle tête plongeante et qui vient réduire le score, donc qui vient quand même changer beaucoup la donne de cette fin de match pour les joueurs d'Arsenal, parce que le danger est à leur porte maintenant et leur première place est en jeu. Donc le match risque d'être beaucoup plus intéressant qu'il n'était jusqu'à présent. Mais voilà, il reste un quart d'heure à jouer et la pression va être terrible pour les joueurs d'Arsenal maintenant. Mais bon, ils sont quand même assez solides. Mais c'était en tout cas un très beau but des joueurs d'Aston Villa. Mais voilà, et c'était aussi une très très belle écoute, me dit mon oreille gauche. Ben oui, alors on va questionner un petit peu Lucille et Estelle sur cette bande sonore. D'abord, c'est un peu nouveau pour vous dans votre production, puisque vous êtes peintre, on l'a dit au départ. Comment vous définissez-vous votre propre production ? Sur la bande sonore ? Sur la peinture, sur ce que ça a du coup, et quel est le prolongement pour vous dans ce nouveau travail ? Bah, déjà pour le prolongement. Si c'en est un. Bah, c'est une nouvelle discussion, j'ai envie de dire. On a réussi à structurer quelque chose, des bribes d'Estelle, de moi, qu'on essaye d'assembler. Après, moi, j'aurais des envies de nouvelles présentations en direct, comme on l'a fait à Manifeston. Mais peut-être de. Parce que ce soir-là, on avait présenté aussi une animation vidéo. Et c'est vrai qu'en moi, j'imagine continuer aussi en projetant des images sur nous, de mélange de travaux de nous deux, en fait. Continuer une collaboration, peut-être un travail un peu plus... Enfin, pas plus fini, c'est pas ça, mais avec une petite scénographie autour. Parce que vous avez, il faut le dire à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, un travail pictural assez différent l'un de l'autre, mais qui quand même se marie bien. Cohabite plutôt bien. Il discute. Ouais. Il est différent. Complètement. Parce que moi, je travaille beaucoup à l'eau. Oui. Aquarelle et encre. Et moi, c'est plutôt dans les couleurs criardes. Et... On m'a dit que vous ne travaillez pas qu'à l'eau, hein, mais... Après, je me permets. Comme ça, j'écoutais aussi. D'une... Faut savoir où est le fût. Je ne sais pas si on parlait du carburant. Peut-être qu'on parlait. Je sais pas. Il est très pointu, Julien, parce que je travaille avec des feutres à l'alcool sur papier photo. Ouais, ah, voilà. Exactement. Donc, ça sent un peu durant l'expo. Et là, la narine sensible. Et pour ce soir, vous avez choisi aussi de prolonger un peu, encore une fois, ce travail-là, en nous proposant en direct d'autres bribes, d'autres conversations que vous avez relevées ou... C'est... Comment dire ? C'est... Alors maintenant, on fait une foutade. Après Tocade, c'est la foutade. Ben, on vous écoute alors. Donc, je voulais vous dire, toute ressemblance avec des personnages ou des situations réelles est purement fortuite. Bien sûr. On prévient. Jacqueline. Notre pote Jacqueline qu'on appelle aussi Jackie ou Jack, adore le football. Jacqueline, elle est canon. Hyper tendance et chic. So chic. Quand il y a du son, elle tape toujours sur ses genoux. Elle écoute du rock et elle dodeline de la tête. Et même ça, elle le fait avec classe. Jacqueline, elle est en place. À New York, elle tapote sur Google « Supporter français in New York ». Et paf, à 15h, elle va mater. Pas du genre à s'affaler dans le canapé. Paris, sans les goudes, contre Monaco, dans un pub. Amazing, Jacqueline. C'est une pinte parmi tant. Elle micro-rote et supporte avec élégance. C'est peut-être la seule meuf qui va regarder des matchs en solo dans les bars à Marseille. Mieux. En solo, avec un bonnet, Paris sans les goudes. Calamity Jacqueline. Elle aime bien regarder les gardiens sauter dans le vent. C'est beau. Elle a l'appli SoFoot. Alors, parfois, au lieu d'écouter une lecture, elle se branche sur SoFoot. En scred. Jacqueline. Coquine. Elle nous glisse à l'oreille. Il est bon ce petit. Elle fait des oh, des ouh, des waouh. Waouh. Elle a plein de chaussures. Mais en sortie, elle enfile toujours ses Vans trouées. L'autre fois, je lui racontais qu'une de mes amies avait roulé des pelles en bois de nuit à Rocheteau. Elle a susurré. L'ange vert. Étonnante, Jacqueline. Elle visionne même des matchs en streaming, commentés en turc. Et elle te dit. Merde, j'ai pas vu, j'écoutais. Tu crois qu'elle comprend le truc ? On la verrait bien, Rio, cette année. Parce qu'elle se fait la manucure chez les Brésiliennes. Mais Jacqueline, Jackie Jack. Elle est pour Marseille dans l'absolu. Bah, je crois qu'on peut une fois de plus applaudir dans cette émission. Il y a eu un but, non ? Bravo les filles, merci beaucoup pour ce portrait. Ce portrait de alors pour donner un petit peu tous les détails et entrer dans les secrets de l'émission, normalement Jacqueline devait être présente à Londres avec Brett ce soir, mais je crois qu'un problème de transport l'a empêché de se joindre à vous, mon cher Brett. Où on en est à Londres ? C'est une vraie perte, l'absence de Jackie, bien sûr. Tous les Anglais me demandent et ils étaient prévenus de son arrivée. Alors le match, toujours pareil. Donc pour ceux que ça intéresse, le buteur était bien donc ce joueur de la République démocratique du Congo, Benteke. Voilà, l'avant-centre d'Aston Villa. Non, l'absence de Jackie se fait sentir ici très lourdement, notamment pour le siège qui était réservé à son nom et qui est donc vide à côté de moi. Donc, ouais, mais elle doit te brancher sur SoFoot. J'espère, j'espère bien. Et puis, elle avait un problème de parapluie. C'est vrai que, bon, en même temps, il ne pleut pas pour l'instant. C'est dommage d'avoir annulé un voyage pour si peu, mais voilà, non, son absence est bien sûr préjudiciable à nos commentaires, mais je fais sans et je la salue, Jackie. Mais voilà. Est-ce que pour faire un petit moment de pause, on pourrait se passer un petit morceau de musique, mon cher Brett, vous en pensez quoi depuis Londres ? Mais je suis absolument d'accord pour un petit morceau de musique. On va faire signe en technique alors. Reste à savoir bien sûr lequel. Mais je crois que Stéphane Novak proposait un morceau de son ami Sylvain Courtout. Stéphane, deux petits mots. Oui, peut-être un extrait du travail de Sylvain Courtout, un des poètes les plus intéressants de moins de 40 ans. Voilà, un extrait de son travail en cours qui s'appelle « Consumation post-punk », qui sont des sortes de samples à partir du livre « Consume rouge » qui devrait apparaître en mars. Et voilà, je propose qu'on vous l'écoute. Une avant-première. Et viendra à Marseille faire une lecture live de ce projet le 25 janvier à Manifestaine au 59 rue Thiers. Moi, à Londres, je suis tout à fait d'accord, et d'autant plus qu'on a, on a pas mal écouté, entendu parler de Courtois il y a peu, donc avec cette émission formidable avec Bertin. Jérôme Bertin était invité, il a beaucoup parlé de lui, et Dondé avait réalisé une interview de Sylvain quand il était en résidence à Montevideo, et on a du coup pas mal détaillé son boulot récemment. C'est vrai que nous, on aime aussi beaucoup. Ouais, on est très heureux d'écouter donc une avant-première, et oui, quand Dondé ne boit pas trop de Ricard, il fait des choses aussi sympas, hein, ouais. Mais voilà, il boit aussi du Ricard. On y va. C'est une avant-première, et ça s'appelle Hello Darkness, et ça parle beaucoup de choses difficiles à dire, dont la mutilation sociale. Eh ben, on écoute. Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. La nuit qui défenestre chaque jour. Des fabula narrative. C'est de toi que parle la fable, qui sortit des tailles pour suivre à ceux qui ne seront jamais requis. Hello darkness, my old friend. We are running out of time. Cette impuissance qui devient rage, parce que je suis serré d'un produit de l'injure, et que je ne m'en affranchirai pas. Le texte comme une issue qu'on invoque pour ne pas suffoquer, en essayant de jouer le même jeu mais en ne disposant pas des mêmes atouts. Dans un monde où la sentence a été déjà de tout temps rendue. Comme on est affecté par ce monde, pourquoi il ne faut pas rêver d'un impossible affranchissement? La désintégration des boucles empiète sur des boucles de désintégration. merci Sylvain Courtout et à travers vous Stéphane, on le remercie de ce cadeau. Le 25 janvier au 59 rue Thiers à Manifestaine en vrai. Et alors avant de revenir pour terminer cette émission à GPU, à sa ligne et à son actualité, avec Estelle Cherel, on voulait mentionner un événement qui va se passer au Brésil un peu en marge de la prochaine Coupe du Monde. Et cet événement, c'est la Street World Cup. Et c'est votre amie Carole Mendy. Oui. Qui vous en a parlé. Vous nous en dites deux mots ? Oui. Donc justement, mon cher Brett, vu que Carole habite à Londres, vous pouvez passer la voir parce qu'elle, elle essaye de récolter 1400 livres. Et la solution qu'elle a trouvée, c'était de faire à manger. Donc elle prépare des plats et... Je crève un petit peu de faim et je suis venu avec 2-3 livres. Ben voilà. Voilà. Lui envoyer des revues. Et bien sûr, mais j'ai noté. Et donc voilà, c'est une Coupe du Monde des enfants de la rue. Il y a à peu près 25 équipes et 20 pays différents, dont des équipes féminines. Et voilà, c'est une façon de défendre, enfin de justement de prôner les droits des enfants qui sont dans cette situation. Et d'ailleurs, la première Coupe du Monde a eu lieu en Afrique du Sud et ça a donné lieu à une déclaration de Durban, ça s'appelle, non, du coup, parce que ça s'est passé là-bas, et pour justement prôner les droits des enfants des rues. Et en plus des matchs et des entraînements là-bas, ils sont amenés à pratiquer des activités culturelles et artistiques, voilà, pour faire connaître leur vécu. Et alors, je trouve ça assez beau. Bah oui, on vous remercie beaucoup. Donc il y a un site. Allez, oui, dites-nous ça. Donc c'est streetchildworldcup.org. Ok. On mettra le lien dans notre site à nous, des bâtons d'Anguirou, qui va bientôt voir le jour. On mettra ce lien-là sur la page de cette émission. Brian, je vous redonne la parole parce qu'on va bientôt, enfin on a encore du temps, mais on va bientôt conclure cette émission pour parler un peu des actualités qui entourent la sortie numéro 7 de GPU. Merci Emmanuel. Donc le prochain événement, 16 janvier, librairie Libère avec Marcel Cohen, Gérard Fabre, Estelle Cherel, Lucille Camus, Jean-Luc Poivret et Malika Mokadem. Une exposition à l'occasion de la sortie de ce numéro 7. Et je suis assez enthousiaste car ce que vient de dire Estelle, avec d'autres artistes qui travaillent dans la revue, font cet ingrédient auquel je tiens énormément. Et donc, je vous convie à cette exposition comme aux prochaines. Voilà. Alors, vous nous dites, c'est la librairie Libère. Vous nous rappelez sa situation géographique, cette librairie ? 26 boulevard Notre-Dame, à Marseille. Voilà. Bon. Vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Les librairies, à bientôt. Merci Brian. Mais avant de se dire à bientôt, on va écouter un libraire, justement, notre ami Jean Roch. Alors, on a depuis quelques temps plus la chronique du docteur Lehmann pour conclure ces émissions, cette chronique qui embellissait chaque fois notre fin. Qu'est-ce qu'il fait le docteur ? Alors le docteur Lehmann a enfanté, puisque oui, vous savez, il était spécialisé en chorégraphie, puis en géopolitique. Maintenant, c'est en pédopsychiatrie. Ouais. Voilà, c'est sa nouvelle spécialité. On le salue, bien sûr, ainsi que sa charmante compagne Soso et le petit Enki. Spécialité qui se combine pas forcément très bien avec le football. La géopolitique était intéressante, la pédopsychiatrie et le football. Bon, ça c'est sûr, et en tout cas il a dû ralentir son activité d'auteur pour l'instant. Mais Jean Roch, notre ami de la librairie Le Lièvre de Mars, nous fait l'honneur régulièrement maintenant d'une petite critique littéraire. Et cette fois-ci, on lui a proposé un livre d'Hubert Lucot, dont il va nous parler. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre d'Hubert Lucot qui parle de football. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Hubert Lucot, mon cher Brian, est un des auteurs publiés dans la revue GPU à plusieurs reprises, je crois. Un auteur que vous aimez beaucoup, je pense. Donc, je suis particulièrement ravi d'avoir publié un format inédit pour la revue d'un écrivain. Et dans le numéro 5, et c'est... c'est ravissant quand l'écrivain n'est pas éloigné du peintre. Et Hubert Lucot nous a fait, à la revue, un texte sur Richard Baquet. Alors Jean Roch va nous parler de ce petit livre publié aux éditions de l'Attente qui s'appelle Dans l'enfer des profondeurs. Et je crois qu'il était plutôt ravi cette fois-ci. Enfin non, à l'inverse, il n'était pas ravi parce que d'habitude on lui propose plutôt des livres pourris. Bah oui, vous l'avez déçu maintenant. Et là, on l'a un peu déçu parce que c'est un livre qui lui est apparu assez sympathique. Voilà. Donc Dans l'enfer des profondeurs aux éditions de l'Attente d'Hubert Lucot, critiqué ou du moins commenté par Jean Roch. C'est bon, ça marche. Donc il s'agit d'un tout petit bouquin aux éditions de l'Attente de Hubert Lucot, Dans l'enfer des profondeurs, qui est sorti en 2004. Voilà, et qui est ma foi plutôt fort sympathique. C'est dommage, je préfère quand les bouquins sont vraiment pas bons, chiants, prétentieux, et parce que c'est toujours très rigolo de les casser. Là c'est foncièrement sympathique, Lucot. Non. Donc, léger souci technique suite au changement d'heure, comme vous l'apercevez sur votre horloge, bien sûr, et il est 23h et l'émission devrait être terminée, mais non, que nenni. La lecture repart dans quelques secondes, ne bougez pas. C'est reparti. C'est bon, ça marche. Donc, il s'agit d'un tout petit bouquin aux éditions de l'Attente de Hubert Lucot, Dans l'enfer des profondeurs, qui est sorti en 2004. Voilà, et qui est ma foi plutôt fort sympathique. C'est dommage, je préfère quand les bouquins sont vraiment pas bons, chiants, prétentieux, et parce que c'est toujours très rigolo de les casser. Là c'est foncièrement sympathique. Lucot fait comme il aime bien. On a un enquêteur qui donc part de Monaco pour plonger dans l'enfer des profondeurs. C'est le titre de l'ouvrage. Et cet enfer des profondeurs, c'est qu'il va descendre dans le classement de la division 1 et de la division 2 de foot au moment de la trêve, donc avant la reprise des 11 et 12 janvier 2000. Donc il y a deux pages où il y a donc les classements, et donc il va se balader d'une ville à l'autre en allant du premier du classement au 18e pour la division 1 et du premier au 20e pour la division 2. Voilà, et donc c'est assez marrant puisque ça fait une géographie totalement inattendue et délirante, voilà, puisqu'on va passer après Monaco, Lyon, Paris, Auxerre, Bordeaux, Saint-Etienne, Sedan, Marseille, Bastia, Rennes, Troyes, Nantes, Metz, Nancy, Strasbourg, Lens, Le Havre, Montpellier pour la division 1. Voilà, donc il se déplace d'une ville à l'autre en hélicoptère, et évidemment il envoie à chaque fois pour chaque ville des rapports aux océanographes de Monaco. Voilà, donc ça fait qu'on a plein de petites notes sur les villes, sur les réactions ou les non-réactions d'ailleurs de ces villes par rapport à leur classement. Voilà, donc une amusante plongée en profondeur dans la France du foot. Voilà, avec quand même le gros avantage que ça ne prétend pas du tout être autre chose que ce que c'est-à-dire un chouette amusement de la part de Lucot. Voilà, donc c'est plutôt tout à fait plaisant, marrant, et des tonnes de petites notes qui sont évidemment de plus en plus drôles au fur et à mesure qu'on descend dans ce fameux enfer des profondeurs footballistiques. Et du coup, voilà, à part répéter que c'est sympathique, j'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Bien, merci Jean-Roch. On le remercie encore une fois de sa participation à notre émission qui devient de plus en plus évidente pour nous. C'est l'heure de remercier tout le monde autour de cette table. Avant ça, juste deux dates de rendez-vous pour l'émission des bateaux d'Anguirou. La prochaine dans 15 jours, qui sera consacrée à Albert Camus, et qui promet d'être très sérieuse. Et puis à la fin du mois de février, on rappelle à nos auditeurs que nous nous déplacerons dans un village bien connu par vous-même, mon cher Brett, qui est un village proche de Cavaillon. Bien sûr, bien sûr. Non, je reviens, le match vient de se terminer. Ah, oui, oui, dites-nous tout. Oui. Non, le match s'est terminé, donc Arsenal a bien sûr gagné 2-1, donc Arsenal reste premier du championnat anglais, ce qui est quand même très très bien. Pour les gens qui aiment Arsenal, bien sûr, pour ceux qui aiment les autres, c'est un peu moins bien. Mais voilà. L'émission se déplacera à Robion. Robion, voilà, Robion, c'est ça. Qui est un village très très proche de Cavaillon, à 5 minutes en voiture, un peu plus long à pied. Mais un très très beau village relativement inactif, mais qui, pour l'occasion, propose un match de foot entre théâtreux, au sens large du terme. Et nous serons les commentateurs de ce match. Donc il y aura l'équipe du spectacle qui va se jouer, c'est ça? On peut en parler. Oui, c'est ça. Le spectacle, c'est Italie-Brésil de la compagnie Tandem, dont nous avons déjà parlé longuement ici. On en a parlé un paquet de fois. On a fait écouter plusieurs extraits à plusieurs occasions. Et donc cette équipe qui risque d'être relativement magnifique avec Solal Bouloudnine, l'acteur principal, Jean-Marc Montera, qu'à Marseille, on ne présente plus. Non. El King Montera, qui aurait dû avoir le Ballon d'Or, qu'il a raté de très très peu en l'année prochaine, probablement. Ou l'année prochaine. Et voilà, donc et une équipe dont je ne sais rien pour le moment, mais on en saura plus. On en saura un peu plus dans les semaines à venir. Ça sera bien sûr passionnant, évidemment. Très bien. Écoutez, mon cher Brett, c'est l'heure de nous remercier mutuellement, je crois. Je vous remercie. Moi, je vous remercie. Merci. Aussi. On remercie nos invités prestigieux de ce soir. Estelle Chorel. C'est passé trop vite. Ouais, c'était sympa. Ouais. Lucille Camus, merci beaucoup. On revient la semaine prochaine. On va venir tous les semaines. Stéphane Novak, merci beaucoup aussi. C'est un trognon. Il ne reste plus qu'un trognon. Il lui reste un peu de pomme, il reviendra. Et Brian Murat, merci beaucoup. On rappelle le 16 janvier prochain à la librairie Libère la présentation du numéro 7 de GPU qui sera très bientôt en librairie à Marseille, à la vente pour tout le monde. Je pense que là, maintenant, tonnes de gens vont se précipiter. Oui, on peut dire à nos éditeurs d'acheter bien sûr cette revue. En tout cas, pour ceux qui ont les moyens, ceux qui l'ont pas, au moins d'aller la voir et de la consulter parce que ça vaut le coup. Le prix et est assez modique, hein, je crois. Le prix est de 8 euros. C'est pas mal. Bien sûr. Non, mais c'est bien sûr. Mais après, il y a des gens qui ont... Bien sûr, 8 euros. En tout cas, au moins, aller la voir, aller la consulter, consulter les précédentes, consulter bien sûr les... Parce qu'on n'a pas parlé des textes publiés chez Aldante de Stéphane Novak, mais on en trouve quand même... Dans pas mal de librairies. Dans pas mal de librairies. On peut même, je pense, les consulter à Manifesten, éventuellement, pour... Les consulter, oui, à Manifesten, ou sinon, oui, dans les bonnes librairies. Ça vaut le coup. Vous avez un site aussi où on peut suivre vos activités, pas au jour le jour, parce oui, que pas on au sent jour que... Le jour. C'est pas un blog non plus. Tu problème d'organisation. Mois par mois. Tu voilà. Vas pas dire tous les jours que tu manges des trognons. Si tant de temps. Envoyez-lui de temps, des pommes. Qui est à mon nom. Novak Papantoniou. Et sinon, oui, à Manifesten, avec la prévision de la sortie d'un livre qui s'appelle Gloss, qui va sortir au printemps. Et puis d'autres événements à venir. Ah bah, puisqu'on est dans les annonces d'activité personnelle, Brian, vous avez une actualité personnelle prochainement ? Oui, collective et personnelle, car je continue à travers la revue GPU de fonder ma maison d'édition Courtaisie en publiant un nouveau livre au mois de février. Puis, comme artiste, je suis très content d'exposer à la galerie Porte-Avions où, en fait, je présente des dessins qui sont faits comme des notes de musique. Mais toujours, enfin, voilà, c'est très chouette. Et puis, de retrouver Dunkerque au mois de février où j'ai exposé une série d'éventails. J'ai une bonne activité à la fois éditoriale et sculpturale. Ouais, c'est cool. Vous les filles, je sais Lucille qu'on peut voir quelques-uns de vos travaux au restaurant Le Lacho rue Bernex actuellement. En plus de manger d'excellentes tapas, on peut voir ça. La lumière n'est pas très bonne, mais les tapas le sont. Quant à vous Estelle, tout un tas d'expositions prochainement. Certainement. Déjà jeudi prochain. Et jeudi prochain, on verra quelques-uns de vos plus beaux poissons. Un Saint-Pierre, notamment. Un Saint-Pierre, Estelle. Un Saint-Pierre, on y tient. Mais merci à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. C'était un grand plaisir. 16 janvier. Hein, 16 janvier. 16 janvier, après-demain. Et on se quitte avec un morceau des Pink Floyd, par vous, Brian. C'est drôle parce que l'autre soir, Jackie parlait l'autre soir d'un homme qui se vantait d'avoir une petite amie qui avait couché avec le chanteur des Pink Floyd. Non. C'était pas les Pink Floyd, merde. Non. Bon, Dépêche Mode, rien à voir. Bon, de trop, ça c'est. Ouais. Bon, en tout cas, elle pensait que c'était un membre des Pink Floyd. Voilà. C'est ça qu'il avait. En tout cas, ça c'est. Mais il y a Pink. Ça c'est Liverpool. Alors, on finit avec les Pink Floyd. Voilà, on va en écouter un extrait parce que l'émission suivante nous presse, mais on écoute une partie de Fearless de Pink Floyd. Des colons. Bonsoir à tous. Merci à tous. Bonsoir. Et bonne nuit. Yep. You say you'd like to see me try.